Troisième pilier. Troisième pilier. Considération sur la place de la souffrance des innocents. Premier pilier, considération provenant du début de l'intrigue biblique. Deuxième pilier, considération provenant de la fin de l'intrigue biblique. Troisième pilier, considération sur la place de la souffrance des innocents. Maintenant, c'est déjà le temps, je crois, pour mentionner les autres piliers afin que vous gagniez une esquisse, oui. Je les mentionne et je reviendrai aux trois autres plus tard. Quatre considérations sur le mystère de la providence. J'y reviendrai plus tard ce matin. Numéro 5, considération provenant de la croix. Sixièmement, considération au sujet de la souffrance causée par la persécution. Et à la fin, pas un autre pilier, mais des considérations pratiques. Bon, maintenant, numéro 3, considération sur la place de la souffrance des innocents. Dans un sens, il n'y a pas d'innocents. Ça, c'est le résultat de notre étude en ce qui concerne le premier pilier, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'innocent, dans un sens. Mais vous n'avez que lire Job pour apprendre que dans un autre sens, oui, il y a des innocents. Job certainement n'était pas innocent dans un sens absolu. Dieu avait le droit, avec pleine justice, de le condamner, comme il a le droit de tout condamner. Nous sommes des créatures coupables devant lui. Nous vivons tous ce côté-ci de la chute. Mais en comparaison avec d'autres personnes, Job, est-ce qu'il était pire que les autres? Et Job, lui, il ne connaissait pas ce qui était arrivé dans le premier chapitre entre Satan et Dieu, mais nous le savons. Et nous savons donc que Job n'était pas puni à cause de ses péchés. Dans ce sens, il a souffert quand il était innocent. Pas dans un sens, innocence parfaite, non, mais en comparaison avec les autres. Et même au sujet de cette souffrance, il n'y avait pas de péché qui a gagné cette punition ou cette souffrance. Il n'y avait rien. Dans ce sens, c'était la souffrance innocente, n'est-ce pas? Et même Dieu dit, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu. » Et s'écarte du mal. Donc, tout ce qu'il a subi, ce n'était pas la souffrance de la punition, c'était la souffrance d'un innocent. Et on peut multiplier des exemples, n'est-ce pas? Oh oui, je sais que nous sommes nés en péché, mais un bébé, dans un autre sens, ce bébé est, en comparaison avec moi, innocent. Mais les bébés meurent aussi du cancer. Des fois, sont attaqués par les soldats. Oui, quand on voit les résultats d'un tsunami, il faut répondre avec Luc, chapitre 13, versets 1 à 5, comme nous avons dit. Mais aussi, il faut remarquer que ces personnes ne sont pas plus coupables que nous. Ce n'est pas la souffrance des innocents, peut-être, mais ce n'est pas la souffrance non plus de ceux qui sont plus coupables que nous. Et ces observations soulèvent un grand nombre de problèmes, n'est-ce pas? Déjà chez Habakkuk, quelques-unes de ces questions sont soulevées. Tenez la place à Job, mais ça vaut la peine de lire quelques versets quand même dans le petit livre d'Habacuc. Chapitre 1. Voici la menace dont le prophète Habacuc eut la vision. « Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je « Violence » sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi. Il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, c'est Dieu qui parle, je fais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse des étendues de pays pour s'approprier des demeures et ainsi de suite. Et c'est Dieu qui le fait. Je fais surgir les Chaldéens. Et c'est ça que Habacuc ne comprend pas. Il comprend que son peuple est coupable devant Dieu, le peuple de l'Alliance, mais pourquoi les punir avec ce peuple impitoyable, après tout, des païens, du point de vue public, beaucoup plus méchants même que le peuple de Dieu? Chapitre 2, verset 9. Malheur à celui qui, pour sa maison, se taille un profit malhonnête afin de faire son nid sur les sommets pour se préserver de l'attente du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidée. En abattant de nombreux peuples, tu as manqué ta vie. Encore la condamnation du monde. Mais ça n'explique pas cette différence quand même. Mais à la fin de ce petit livre, à la fin de cette prophétie, Habacuc apparemment est content au moins d'entrer au temple et voir la gloire de l'Éternel, et cela lui suffit. Ce n'est pas une réponse propositionnelle, c'est une réponse de révélation de Dieu lui-même. Maintenant, chez Job, comment comprendre ce livre? Au début, Dieu donne à Satan la permission de complètement ôter les biens de Job. Un homme le plus riche dans l'Est maintenant devient pauvre. Il perd ses troupeaux. Il perd sa richesse. Et il perd ses 10 enfants. Par la permission de Dieu. Nous savons cela. Comme une espèce de test. Quoi dire? C'est une espèce de test entre Dieu et Satan. As-tu considéré mon serviteur Job? Et dans la deuxième étape, dans le deuxième étage, Dieu donne à Satan permission même d'enlever la santé de Job. Donc, il a tout perdu de ses richesses. Maintenant, il perd sa santé. Il n'a rien. Et il n'a même pas le soutien de son épouse. Elle est maintenant tellement amère qu'il se trouve seul. Et ses réponses, au début, sont presque pas croyables. Verset 5. Nous voyons que c'est un homme qui prie déjà pour ses enfants dans une espèce de prière, est-ce qu'on dit préventative? préventive. Et maintenant, il perd sa famille quand même. Et Job, verset 20, dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dimanche, nous avons chanté ensemble dans l'assemblée une chanson que j'ai entendue en anglais. Je ne sais pas les paroles en français, mais quelques-unes de ces paroles sont tirées de ce passage. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. J'ai entendu cette chanson dans une assemblée en Californie où assiste ma fille qui a 26 ans. Chantée le dimanche après le suicide d'un jeune homme de 18 ans, l'aîné d'un ancien de l'assemblée. Et la congrégation a chanté, « Tu donnes et tu reprends. » Béni soit le nom de l'Éternel. Je vous dis, c'est facile de lire ces choses dans un livre, une histoire, un drame. Vivre ces choses et être fidèle. Ça, c'est presque pas croyable. On commence même par ces deux chapitres, premier chapitre, première moitié du deuxième. On commence à comprendre comment Dieu pouvait dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. S'il y a une place pour méditer la souffrance des innocents, surtout c'est Job, n'est-ce pas? Ensuite arrivent les trois amis. Chapitre 2, verset 11. Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ils prennent position que Dieu est juste. Et parce que Dieu est juste, donc il faut en tirer la conclusion que Dieu punit seulement les injustes. Donc si Dieu punit Job, ça signale que Job doit être injuste. Maintenant, si Job répond, « Oh non, Dieu est aussi injuste, c'est pour ça que je souffre. » Il méprise Dieu lui-même. S'il dit, « Oui, Dieu est juste, mais de temps en temps, il manque son coup. Hein? Il ne peut pas tout prévoir. Il fait son possible, mais franchement, de temps en temps, c'est Satan qui gagne. » Dans ce cas aussi, il méprise Dieu. Comment répondre? Et Job, il dit, en effet, je sais que Dieu est juste. Vous n'avez pas besoin de me persuader, je sais qu'il est juste. Je sais aussi qu'il est souverain. Je sais cela aussi, je suis convaincu. Vous n'avez pas besoin de me persuader. Je sais qu'il est juste, je sais qu'il est souverain. Mais je sais aussi que je suis innocent. Quoi faire avec cela? Et au premier rang de débat, les trois amis, soi-disant, Il essaie de convaincre Job que, oui, il est juste dans un certain sens, mais sans doute, il y a des niveaux de péché qu'il ne peut même pas reconnaître. Il est beaucoup plus méchant qu'il pense devant un Dieu tellement saint, trois fois saint. Il y a des niveaux de malheur, et du malin, de méchanceté, de rébellion qu'il ne reconnaît pas même dans son propre cœur. Et Job répond, oui, je sais que devant Dieu, je sais bien que devant Dieu, personne n'est juste. Oui. Mais est-ce que vous voulez signaler que je suis pire que les autres? Et est-ce que c'est pour cette raison que j'ai souffert toutes ces choses? Je vous dis, ce n'est pas vrai. Et les autres répondent. Maintenant, même si vous ne reconnaissez pas vos propres péchés, même si vous pensez que vous êtes encore pur devant Dieu, si vous vous repentissiez, si vous repentissez, si vous vous repentiez, oui, après trois coups, quatre coups, je commence à, si vous vous repentiez, Dieu va tout remettre, vos richesses, et il va vous donner encore des enfants, vous serez acceptés, accueillis dans sa présence, et de tout ira bien. Vous n'avez besoin que de vous repentir. Ça suffit. Et Job répond, si je me repentissais, pardon? Ah oui, si je me repentais. Misère. On dirait qu'un professeur de théologie devrait savoir ou devrait connaître le verbe repentir, n'est-ce pas? Si je me repentais quand je ne reconnais pas que je suis coupable, ça serait une espèce de menterie, de mensonge. Ça voudrait signaler que je veux en tirer des bénédictions de Dieu par n'importe quelle sorte de mensonge, de n'importe quelle sorte de menterie, seulement pour manipuler Dieu. Je ne peux pas faire cela. Je ne suis pas coupable. Et des fois, pauvre Job, il s'adresse à Dieu. Et il dit, en effet, je sais que tu es grand, je sais que tu sais toutes choses, je sais que tu es saint, je sais que tu as tout pouvoir. Mais regarde-moi, j'aimerais bien avoir un avocat ici. J'aimerais présenter mon cas devant toi, parce que franchement, c'est pas juste. Oh, je sais que tu es juste, je sais que tu es juste, je sais que tu es. Mais ce qui m'arrive n'est pas juste. Puis l'argument se réchauffe et se réchauffe et se réchauffe. En fin de compte, les ennemis ou les amis, on n'est pas certain s'ils sont des amis ou des ennemis, les trois amis commencent à le condamner avec vigueur, avec malice même, n'est-ce pas? Je ne vais pas mentionner les argumentations de la quatrième personne, ça prendrait trop de temps. Mais en fin de compte, Dieu parle. Ce qui est remarquable dans ces chapitres, c'est la méthode de Dieu, réponse de l'Éternel à Job, à partir de chapitre 38. Et cela se trouve après plusieurs chapitres quand Job se défend avec des paroles extraordinaires. On commence à comprendre pour quelle raison Dieu a dit que c'était un homme intègre, qu'il n'y a pas d'autre homme comme lui sur la terre. Il mentionne sa générosité devant les pauvres. Comment il purifie ses yeux, il ne veut pas regarder une femme avec convoitise, et ainsi de suite. Par exemple, Job 31, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La misère n'est pas pour l'homme inique, l'infortune pour ceux qui commettent l'injustice, et ainsi de suite. C'était un homme extraordinaire. Mais, quand même, Dieu répond. Chapitre 38. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et ensuite, il commence à poser des questions. C'est tout ce qu'il fait. Chapitre après chapitre, il pose des questions. Quelle sorte de questions? Où étais-tu quand je fondais la terre? Est-ce que c'est toi qui crée la neige? Est-ce que tu sais comment construire un crocodile? Qui a fermé la mer avec des portes? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Et ainsi, des chapitres et des chapitres de questions semblables. Et enfin, Job répond. Et qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 40, verset 3. Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis peu de chose. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Et qu'est-ce que l'Éternel dit? « Eh bien, Job, tu n'es pas si pire que cela. » Non. Il répond avec deux chapitres davantage de questions. « Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? En toi de fierté et de prestige, revêt-toi d'éclat et de magnificence, et ainsi de suite. Chapitre 42. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi, et moi je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Mais il faut comprendre ce verset. Ça ne veut pas dire maintenant que les trois copains avaient raison et maintenant Job se repent. Se repent des péchés qui ont attiré cette souffrance dans la première place. Il se repent tout simplement de ses charges, en effet, contre Dieu, que Dieu est moins que juste. À travers les derniers quelques chapitres, il a insisté à la fois que Dieu est juste et que lui, il est aussi juste, en effet, qui au moins soulève la question si Dieu est véritablement juste. Ou même, il suggère, en effet, que Dieu lui doit une réponse. J'aimerais avoir un avocat pour me défendre, car je suis juste ici. Et maintenant, il se repent de cette attitude envers Dieu. Dans ce sens, il se repent, mais il ne se repent pas de soi-disant péché qui avait, selon les copains, attiré la malédiction de Dieu dès le début. Et en plus, il faut remarquer que Dieu condamne les trois amis. Il ne condamne pas Job à ce point. Il y a une condamnation implicite dans ces questions rhétoriques. Et Job se repent. Mais après cela, pour tout l'échange entre Job et ses copains, ce sont les amis qui sont condamnés par Dieu maintenant. Et c'est Job qui doit prier pour eux. Malgré le fait que ces personnes pensaient qu'ils défendaient la justice de Dieu. Mais Dieu insiste qu'ils n'ont pas bien parlé de Dieu. C'était Job qui a bien parlé de Dieu. Parce qu'au moins, Job, il a parlé de la souveraineté de Dieu, de la justice de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la transcendance de Dieu. Et il ne voulait pas raconter des mensonges devant la face de Dieu, seulement pour apparemment manipuler Dieu ou pour attirer des avantages. Dans ce sens, c'était encore Job qui était juste, malgré le fait qu'il était à bord de dire que Dieu lui devait une réponse, Dieu lui devait une explication. Et à la fin, nous lisons la fin de l'histoire de Job, que Dieu lui donne de nouveau 10 enfants davantage, le double quantité de troupeaux, pas le double quantité d'enfants. La pauvre femme de Job, après tout, 20 enfants, c'est assez, 30, c'est un peu trop. Je me souviens quand j'étais jeune, à Drummondville, tout près de Montréal, la famille moyenne catholique dans notre temps avait 8 enfants. Mais ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Au Québec, aujourd'hui, c'est le Québec a le plus grand taux d'avortement et le taux de naissance est le plus bas de toute l'Amérique du Nord. Maintenant au Québec. Mais la famille moyenne avec 8 enfants quand j'étais jeune. Et il y avait une famille pas très loin de nous, je les connaissais, avec 21 enfants, 100 de jumeaux. La mère a cessé d'avoir des enfants à l'âge de 42 ans, qui veut dire en effet qu'elle avait passé la moitié de sa vie enceinte, à peu près. Et je les connaissais, ce n'est pas une histoire. Hein? Donc, 20 enfants pour la femme de Job, oui, c'est faisable, mais 30, c'est un peu trop. Donc, il n'a pas doublé le nombre des enfants. Hein? Il lui a donné le même quantité d'enfants, une autre famille, en effet, mais le double numéro de brebis. Comment comprendre ce livre? Quelques observations. Premièrement, il y a un grand nombre de critiques littéraires aujourd'hui, de commentateurs qui disent « Job 1 à 41, ces chapitres sont une source riche d'imagination. C'est un drame formidable. Personne gagne. Il y a un grand mystère ici. Job parle, ses copains parlent, Dieu parle. À la fin, c'est tellement mystérieux. On peut parler de cela dans notre cours sur Job pour au moins un semestre, peut-être pour deux. Et enfin, nous arrivons à chapitre 42 et tout est réglé. Tout va bien. Job gagne. C'est comme si on arrive à la fin, puis tout d'un coup, il y a un autre rédacteur, un autre écrivain. Sans mystère, sans de difficultés, après tout, maintenant, Job gagne. Il n'y a plus de mystère. C'est ridicule, cela. Donc, sans doute, c'était un fou qui a lié chapitre 42 au reste du livre. Ça, c'est la position la plus populaire aujourd'hui chez les critiques littéraires. Il faut reconnaître aussi, il me semble, où nous nous trouvons dans notre culture. Aujourd'hui, les films qui gagnent les meilleurs prix sont des films qui sont ambigus en ce qui concerne la moralité. Ce ne sont pas des films comme Star Wars ou Rambo, quelque chose comme cela. Ils ne gagnent presque rien. Mais des films comme, je ne sais pas si c'est... Si c'était traduit, presque certainement, c'était présenté avec sous-titre en français, Crash. Crash. C'est un film avec quatre couples. Et au début, dans chaque cas, un membre de chaque couple était pas mal bon et l'autre était pas mal méchant. Et vers la fin du film, c'était complètement l'envers. Il y a 2 ans, ce film a gagné meilleur film de l'Académie américaine. Intéressant, hein? Parce que c'était tellement ambigu. Donc, naturellement, c'est gagné. Je sais que la moralité est difficile et nous, des personnes, nous sommes des fois assez ambigus. C'est vrai. Mais, la Bible reconnaît l'ambiguïté morale. Mais ne prétend pas que l'ambiguïté morale est quelque chose de désirable. Notre culture reconnaît l'ambiguïté morale, mais prétendre que de reconnaître cela, c'est l'élévation la plus avancée, c'est la connaissance la plus mûre, c'est quelque chose à admirer. Quand la Bible reconnaît dans l'histoire de David, par exemple, ou dans l'histoire d'Abraham, ou dans l'histoire d'Élisée, des ambiguïtés morales, même ces héros de la foi sont des personnes avec grand péché ou faillite ou faiblesse. Ce n'est pas quelque chose à admirer, c'est quelque chose de regrettable. Donc, dans un sens, Job 42, dans le livre de Job, fonctionne un peu comme l'Apocalypse fonctionne dans le Nouveau Testament. À la fin, Dieu gagne. À la fin, la justice triomphe. Il y a des ambiguïtés aujourd'hui. Il y a des ambiguïtés morales aujourd'hui. Mais à la fin, la justice règne. Et la justice est tellement publique que tout le monde voit que la justice règne. Vous voyez? Job 42 fonctionne dans le livre de Job comme l'eschatologie fonctionne dans le Nouveau Testament, pour justifier Dieu. En effet, oui, la Bible reconnaît qu'il y a grande ambiguïté morale dans nos expériences aujourd'hui. Et des fois, il faut reconnaître que c'est Dieu qui sait le commencement, c'est Dieu qui sait la fin, il faut se fier à lui. C'est lui qui a tout créé, mais à la fin, la justice sera accomplie publiquement. Dieu règne, la justice gagne. Donc, chapitre 42 n'est pas quelque chose ajouté par accident par un fou, un rédacteur qui n'était pas bon critique littéraire. Ça fait partie de l'histoire. Autrement, en fin de compte, nous n'avons que l'ambiguïté morale. Dans la culture occidentale, ça c'est une bonne chose. Dans la culture divine, ça corrompt Dieu. Nous avons besoin de chapitre 42. Maintenant, quelques leçons en ce qui concerne la théologie de la souffrance. Premièrement, il y a des limites de nos connaissances. Le point de ces quelques chapitres, quand Dieu pose question après question après question après question, le point de tout cela, c'est assez simple et c'est assez profond. C'est-à-dire, il y a une grande quantité de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Nos connaissances sont trop petites, notre imagination est trop aveugle. Job lui-même ne sait pas ce qui avait été dit entre Dieu et Satan. Et Job, même avec toutes les applications et les implications, les explications que Dieu a données implicitement par ses questions, il est encore créature, pas créateur. Il est encore seulement un homme créé dans l'image de Dieu, pas Dieu. Ce n'est pas lui qui a donné son dessein à cette terre. Il faut reconnaître les limites de nos connaissances. Je connais un homme, un pasteur, avec deux enfants. Quand sa fille était âgée de 15 ans, elle a perdu sa meilleure amie, le cancer. Elle a perdu sa meilleure amie. On a essayé de tout faire, mais en fin de compte, cette jeune fille de 15 ans est décédée. Et c'était une famille où les membres s'aimaient l'une l'autre. On parle de ces choses. Il y avait un culte familial. Et la jeune fille de cette famille chrétienne, elle savait pleurer, elle savait parler de cela, elle n'a pas caché ça dans son cœur. Hein. Mais quand même le père se rendait compte que sa fille était encore pas mal blessée par tout cela. Quelques mois plus tard, il a entendu sa fille pleurer dans sa chambre. Il a tapé à la porte d'entrée. « Tu m'en parlais ?» Et elle a dit, « Papa, Dieu aurait pu sauver mon ami, et il ne l'a pas fait, et je l'ai haï. » Puis elle a pleuré. Comment répondre? Le père l'a pris dans ses bras, et il lui a dit, « Je suis bien content que tu me l'as dit. » Après tout, Dieu sait ton cœur déjà. Ça ne vaut pas la peine d'essayer de le cacher. Dieu connaît tes pensées avant que tu les exprimes. Merci de me les avoir dit. Mais avant que tu en tires la conclusion que Dieu est injuste ou que Dieu ne t'aime pas, je veux te poser deux questions. Premièrement, veux-tu avoir un Dieu comme Aladdin? Aladdin qui peut tout faire, n'importe quoi, mais qui est complètement contrôlé par celui qui tient la lampe. Veux-tu avoir un Dieu que tu contrôles? Ou est-ce que Dieu est plus grand que cela? Et de temps en temps, malgré ta sagesse et ta connaissance, il va faire des choses que toi, tu ne vas pas comprendre. Ou as-tu besoin d'un Dieu que tu contrôles? Et donc la question, qui est Dieu? Deuxième question. Et il faut que tu répondes. Comment mesurer l'amour de Dieu? Par la mesure par laquelle, il fait ce que tu veux? Ou par la hauteur d'une croix dehors de Jérusalem? Quand on a tout dit, la preuve finale de l'amour de Dieu se trouve au calvaire. Et quand tu ne peux rien comprendre, tu retournes au calvaire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas de plus grande preuve. Ce pasteur, c'est moi. Cette fille est la mienne. Et ces choses arrivent dans la vie de chaque chrétien après un bout de temps. C'est seulement le temps qui passe et ces questions sont soulevées, n'est-ce pas? J'ai sa permission de répéter cette histoire, autrement je ne l'aurais pas dit. Et ce que je lui ai dit, en effet, par la première réponse en ce qui concerne Aladdin, c'est exactement le message de ces questions rhétoriques de Dieu chez Job, n'est-ce pas? Es-tu si grande que tu peux tout comprendre? Il faut commencer avec la confession que nous sommes ignorants. Deuxièmement, nous n'avons pas le droit de juger Dieu. Ça faisait partie même de la première rébellion. Dieu a-t-il vraiment dit? Ça nous tente à nous mettre en jugement de Dieu. Oui, Dieu a dit cela. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce cas? Misère. Dieu n'est pas aussi sage que je pensais. Et tout d'un coup, on essaie de juger Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et Job, il n'a jamais dit, « Dieu, je te condamne. » Il n'a jamais suivi les conseils de son épouse. Il n'a jamais dit, « Maudit Dieu. » Mais il s'approchait de ce point. Quand il a insisté à maintes reprises, « Oui, oui, je sais que tu es juste, mais ce qui m'arrive n'est pas juste. » Et c'était à cause de cette raison qu'enfin, quand il a vu un peu plus la grandeur de Dieu, il s'est repenti. Nous n'avons pas le droit de juger Dieu. Le point de Job, ce n'est pas que quand nous aussi nous tombons dans la souffrance innocente, qui arrive, que nous répétions exactement la même expérience que Job a subie. Le point de ce livre, c'est de gagner des connaissances afin que nous ne répétions pas l'expérience de Job. Que nous soyons aussi fidèles, mais avec plus de confiance en Dieu, à cause de la révélation que Dieu a donnée à Job. Et surtout ce côté-ci de la croix, le point, ce n'est pas que nous nous adressions à Dieu comme Job s'est adressé à Dieu, mais afin que nous apprenions, en fin de compte, qu'on doit se fier à Dieu et nous n'avons pas le droit de nous mettre à la place d'un juge qui a le droit d'évaluer Dieu. Le livre de Job, Dieu nous l'a donné, pas afin que nous répétions tout ce que Job a dit, mais afin que nous apprenions comment se fier à Dieu, même quand nous souffrons d'une façon injuste. Troisièmement, il faut reconnaître aussi la place de l'eschatologie. L'histoire n'est pas encore terminée. Après notre 70 ans, il y a un autre 70 années, et ensuite un autre siècle, et ensuite un millénium ou deux, et ensuite un million d'années. Après quelques milliards d'années, ces 70 ans avec un peu de souffrance, nous serons dans la position à ce point d'évaluer d'une façon un peu plus profonde ce que Dieu a fait. Mais des fois, nous voulons complètement évaluer toute chose de la position où nous sommes, où nous nous trouvons maintenant dans le temps, pas dans l'éternité. Il faut lire tout le livre. Et en fin de compte, on arrive à chapitre 42. Quand vous vous trouvez dans de grands problèmes, dans la famille, dans l'assemblée, il semble des fois que c'est pas croyable ce que Dieu fait. Il est souverain, après tout. Il aurait pu arranger les affaires un peu mieux que cela. Et des fois, un grand pourcentage de ces troubles sont même nos fautes. Parce que nous aussi, nous avons des cœurs durs. Parce que nous aussi, nous devenons amers. Nous ne sommes même pas aussi justes que Dieu, que Job. Mais même si nous sommes aussi justes que Job, des fois nous voulons tous évaluer immédiatement. Mais si Dieu nous donne la grâce de vivre nos 10 ans, 3 ou 4 décennies davantage, souvent on peut regarder en arrière de nous, puis on commence à dire, je n'ai pas bien réagi. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est bon. Je suis injuste. Et d'ici 15 milliards d'années, ça sera encore beaucoup plus clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons besoin dans nos évaluations d'accepter qu'il y a un chapitre 42. Parce qu'à la fin, Dieu haït l'ambiguïté morale. Dans ce monde, tout ce qu'il fait est contesté par le diable lui-même. Déjà, le Seigneur est souverain et il permet toutes sortes de choses, mais à la fin, chaque bouche sera fermée. Et nous verrons la justice de Dieu parfaite. Et nous allons regarder en arrière et nous allons voir sa sagesse, sa gloire, sa protection, son amour. Et maintenant, si nous souffrons injustement, nous marchons par la foi. Ne pas reconnaître cela, ça signale tout simplement qu'il y a un grand manque de foi dans nos vies. C'est tout ce que ça signale. Chapitre 42 arrive. Et quatrièmement, il faut reconnaître à la fois, il me semble, que même si Dieu a ses buts, ses desseins, que bien souvent nous n'allons pas comprendre ce côté-ci de chapitre 42. C'est encore toujours pour sa gloire et pour notre bien. Ça aurait été pas mal difficile quand Job souffrait, de le convaincre que Romains chapitre 8, verset 28 avait raison. Après tout, ce n'était pas encore écrit. Mais si quelqu'un avait cité Romains chapitre 8, verset 28, en effet, les trois copains étaient pas mal proches à citer Romains chapitre 8, verset 28. Mais avec un système sans mystère, sans imagination, sans difficulté, c'était tout simplement une citation, presque un cliché. Mais quand même, Romains 8, 28 est vrai. Dans la révélation de toute la Bible, de tout le caractère de Dieu, dans la perspective éternelle, Romains chapitre 8, verset 28 est vrai. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire et pour notre bien. Présupposer déjà que nous sommes des rebelles, que nous sommes des êtres humains perdus à part de la grâce de Dieu, que Dieu a le droit de nous condamner, que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est souverain, que même sa force, sa bonté, son pouvoir, ces choses sont contestées dans cet âge du diable lui-même, et il y a des choses mystérieuses dans tout cela. Oui, mais quand même, Dieu agit toujours d'une façon pour se glorifier et pour le bien de son peuple. Même le bien de Job. Maintenant, nous abordons presque le quatrième pilier parce qu'il y a des implications de tout cela pratiques que je veux souligner. Ces implications pratiques suivent le troisième et le quatrième pilier. Et je pense que je vais les laisser à côté jusqu'à la fin du quatrième pilier. Donc, je prends les prochaines quelques minutes pour questions, réponses, parce que cette question de la souffrance innocente a une grande importance. Est-ce que vous avez entendu la question? Oui? Non. Quoi faire avec toutes les paroles de ces trois copains de Job? Est-ce qu'il faut tout simplement les rejeter? Chaque fois que j'enseigne le livre de Job, cette question est posée d'une façon ou d'une autre. Je me souviens, je pense que c'était la première fois, j'étais en Afrique il y a 25 ans, et à Nairobi. Et la première question était, quand nous lisons le livre de Job, dans les réponses des copains, dans les réponses même de Job, comment décider si un tel et tel verset ou un tel et tel moitié verset a raison ou non? C'est la même question, en effet, n'est-ce pas? Je m'approche de cette question dans une façon tangente? Un de ces mots, tangentielle. Si vous prêchez l'Épître aux Romains d'une façon expositoire, dans la façon, disons, de Martin Lloyd-Jones, qui a pris 8 ans pour exposer les premiers 8 chapitres, phrase par phrase, phrase par phrase. Si vous utilisez cette méthode quand vous exposez Job, mais ça va vous prendre apparemment 42 années. Et en plus, vous allez confronter cette question chaque semaine, n'est-ce pas? Quoi faire avec la prochaine phrase? Mais il faut reconnaître que même dans une épître comme Romain, il y a d'autres façons d'exposition que phrase par phrase. J'ai un autre ami qui, dans 8 sermons, a exposé les 8 chapitres de Romains chapitre 1 à 8. D'une façon fidèle. Imaginez-vous, c'était une série évangélistique en plus. Imaginez-vous ce que le monde avait entendu dans 8 sermons. On commence avec une déclaration générale de l'amour de Dieu et de ce que c'est l'Évangile. Puis on procède à démontrer ce que c'est le péché, ce que c'est la rébellion et la colère de Dieu pour les Juifs et pour les Grecs. Ça donne un peu l'histoire du salut. Ça, c'est la première semaine. Chapitre 3, déjà, Romains 3, 21 à 26. Hein? Et chapitre 5, qu'est-ce que c'est de justifié par la foi? Chapitre 7. Chapitre 8, nous ne sommes maintenant pas condamnés, mais Dieu a déjà donné son Saint-Esprit comme le dépôt de notre salut et nous attendons l'adoption des fils afin de tout changer l'univers. Vous voyez, il y a toute une conception d'une grande vision dans 8 sermons. C'est aussi l'exposition des Écritures, n'est-ce pas? Je ne condamne pas Lloyd-Jones dans ce qu'il a fait, mais c'était un autre style, dans un autre âge. Maintenant, comment prêcher un livre comme Job? Il faut reconnaître qu'il y a de genres différents dans la Bible. La Bible n'est pas un livre de théologie systématique. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas en tirer une théologie systématique de la Bible, mais la Bible n'est pas présentée comme un livre de théologie systématique. Il faut reconnaître les genres différents. On ne doit pas prêcher l'apocalyptique comme les proverbes, une parabole comme histoire, un psaume comme généalogie, et ainsi de suite. Quoi faire donc avec un livre comme Job? C'est présenté comme un grand drame, un épique. C'est-à-dire, oui, sans doute Job est un homme historique, mais ses discours magnifiques n'ont pas été enregistrés par une machine d'enregistrement, après tout. Ce n'est pas avec des quotation marks? Oui, Vous voyez, après tout, c'est présenté comme un drame. Et dans ce drame, il y a de grands mouvements de pensée. Ces personnes prennent une position, ces personnes prennent une position. Et on ne peut pas comprendre le mouvement sans voir tout le drame, où ça va. Mais c'est bien évident que même un mauvais argument théologique a bien des éléments qui ont raison. Et si vous voulez examiner de près chaque demi-phrase chez Job, vous pouvez, en comparaison avec tout le reste de la Bible, décider, oui, à ce point, ils avaient raison. Et des fois, ce point, oui, ils ont raison dans un certain contexte, mais pas dans ce contexte. Ou, par exemple, vous pouvez dire, oui, ils ont raison, Dieu est juste. Oui, ils ont raison, Dieu est juste. Oui, ils ont raison, Dieu est juste. Mais leur conclusion de tout cela n'est pas juste. Parce que leur conclusion du fait que Dieu est juste, c'est que Job, donc, a subi ce qu'il a subi à cause de sa propre faute. À ce point, oui, Dieu est juste, mais leur conclusion était injuste. Vous voyez? Et ça prend une connaissance du drame, du mouvement de pensée, pas tout simplement une analyse de chaque proposition, de chaque demi-phrase pour dire « oui, c'est béni par Dieu, oui, ça vient du diable ». C'est plus compliqué que cela. Il faut reconnaître qu'il y a un genre littéraire ici. C'est un épique, c'est un drame. Et il faut reconnaître et comprendre le mouvement de pensée pour essayer de le bien présenter, vous voyez. Donc, quand j'essaie de... La question donc qui m'a été posée à Nairobi était... C'est pas fin de dire cela. Ce n'était pas bien construite, après tout. Comment connaître si chaque verset est juste ou non? Misère. Ce que ça signale, c'est qu'il n'avait presque rien compris de ce que j'ai enseigné pour 2 heures. Hein, que c'est un drame. C'est comme ça qu'il faut comprendre tout le livre. Et ensuite, on ne doit pas poser une question exactement comme cela. On peut soulever la question à ce point, est-ce qu'ils ont raison ou non? Quand on essaie d'évaluer ça à travers toute la révélation de Dieu. Oui, sans doute. C'est possible. Mais même à ce point, ce n'est pas une question facile à analyser, n'est-ce pas? Parce que des fois, il y a un bon point qui est mal appliqué ou un bon point qui est mal lié à d'autres choses. Dieu est souverain. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, Dieu est souverain. Oui, Dieu est souverain. Dieu est souverain, Dieu est juste. Donc, si tu souffres sous la souveraineté de Dieu, sous la justice de Dieu, donc ça signale que tu es injuste. D'où est-ce que l'erreur entre? Vous voyez, c'est dans un sens même de dire que Job est injuste. Dans un sens, ils avaient raison même là. Ce côté-ci de la chute, même à ce point, il avait raison, dans un certain sens. Mais ça commence à perdre la proportion, la balance de choses, la force du mouvement de drame. Vous voyez? C'est pour cette raison que je dirais, si vous voulez prêcher le livre de Job, il ne faut pas prendre plus que 6 semaines, 8 semaines, pas plus. Autrement, presque certainement, vous allez corrompre le livre. Oh, ben, je suis généreux, disons 10 semaines. Vous voyez, parce que c'est le mouvement de pensée qu'il faut comprendre et souligner et appliquer. Et on commence à perdre ce que le livre entier enseigne. Et même si vous voulez l'enseigner dans une semaine, dans un sermon, ça aussi c'est possible. C'est possible. C'est pas possible si la congrégation ne connaît pas déjà le texte. Mais quand même, c'est possible dans une congrégation qui a déjà commencé à lire le texte et jongler un peu, pas plus que quelques semaines. La suite? Mais si, est-ce que vous avez entendu la question? Oui. Encore, ce qui est présupposé, il me semble, c'est que le cœur d'un sermon est un texte. Et des fois, quand le cœur d'un sermon est seulement un texte ou un verset, c'est une invitation quasiment de corrompre le texte. Parce que c'est tiré du contexte. Maintenant, comme dans un texte comme Romains, le contexte immédiat de quelques versets, bien souvent, ça suffit de suivre le trame de pensée. Mais dans un texte narratif ou dramatique, comme Job, ça prend un plus grand contexte pour comprendre même ce petit texte. Je ne prêcherai jamais le texte de Job par une citation seule de soit Job, soit de ses copains. Oh oui. Avec des illustrations, pourvu que c'est bien évident dans votre choix de texte et par votre application que vous compreniez véritablement ce que dit le livre de Job à l'entier. Oui, il y a une grande place pour illustrer un grand nombre de choses. Oui. Supposons, par exemple, que vous prêchez sur, Deux Rois ou Ésaïe 6 ou quelque chose, et vous voulez démontrer que Dieu est juste. Est-ce que vous seriez justifié en citant un passage, un texte des copains qui insistent que Dieu est juste pour illustrer la justice de Dieu selon Ésaïe chapitre 6? Et moi, je dirais, premièrement, probablement, il y a des choix plus clairs. Et deuxièmement, si je voulais citer un de ces versets quand même, probablement, j'ajouterais quelque chose comme ceci. J'ajouterais, les copains de Job comprenaient la justice de Dieu, même s'ils l'ont mal appliqué à maintes reprises à notre pauvre ami Job, mais ils l'ont bien compris au moins que Dieu était juste quand ils ont dit, citation. Bon, déjà, ça signale que vous comprenez véritablement le contexte de Job et vous préservez un herméneutique mûr et balancé en préservant aussi la justice de Dieu. Les chrétiens qui n'ont rien à dire à tout le monde, soit un chrétien à un autre, soit un chrétien à celui dehors. Il n'y a rien à dire que la justice de Dieu. Il n'y a rien à dire. Ah oui, il y a une croix quelque part, mais surtout la justice de Dieu. Et ils se présentent comme des personnes qui condamnent tout le temps. Oui. À ce point, ils commencent à répéter l'attitude de ces trois copains. Là, vous avez raison. Mais d'autre part, aujourd'hui, il y a des chrétiens, des fois, ils réagissent contre cette erreur. Et maintenant, Dieu est comme un grand papa qui est tellement doux et il pardonne tout. C'est son métier. Une autre fois, quand j'étais en Afrique, j'étais en Allemagne. Je voulais perfectionner mon allemand un petit peu. Et j'étudiais à l'Institut Goethe. Et il y avait un jeune Afrique qui était là. Il faisait son doctorat de troisième cycle en Allemagne. Il était ingénieur. Et lui aussi, il voulait se perfectionner la langue, sa capacité dans la langue. Et il ne savait pas un mot d'anglais. Il venait de Côte d'Ivoire ou quelque part. Donc, il était courant en français. Hein? Et je pouvais au moins me débrouiller en français. Donc, assez souvent, quand tous les deux nous étions pas mal fatigués de l'allemand, nous sommes sortis ensemble, un restaurant quelque part, deux fois par semaine pour parler la belle langue. Et après quelques semaines, je l'ai connu suffisamment bien pour poser des questions difficiles. Et j'avais remarqué qu'une fois ou deux par semaine, il allait en bas de la ville pour trouver une femme. Il payait son argent, puis il se couchait avec elle, une prostituée quelque part. Et je savais à ce point qu'il avait une épouse qui étudiait pour devenir médecine à Londres. Donc, je lui ai posé la question, si tu apprenais que ton épouse faisait la même chose à peu près à Londres, qu'est-ce que tu ferais? Comment répondrais-tu? Puis il a dit, oh, je le tuerais. J'ai dit, quoi? Oh, je le tuerais. Après tout, ça serait de me déshonorer. Dans mon tribu, je dois la tuer si elle me déshonore comme cela. Et je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu as fait ta formation dans des écoles chrétiennes. Tu sais que le Dieu de la Bible n'a pas deux standards, un pour les hommes, un autre pour les femmes. Après tout, comment répondre comme cela, hein? Il y a un seul juge, soit pour ton épouse, soit pour toi, soit pour moi. Il a dit, en citation, les paroles de Catherine, « Ah, oh, le bon Dieu, il doit nous pardonner. » C'est son métier. Et donc, si nous arrivons à la position où nous présentons Dieu seulement comme le bon Dieu qui doit nous pardonner, c'est son métier, il n'y a pas de préparation pour l'Évangile. Et l'Évangile même ne fait pas du bon sens. On ne peut pas comprendre la croix. Ça, c'était le point de lundi. On ne peut pas comprendre la croix sans comprendre la sainteté de Dieu, ce que c'est la rébellion, ce que c'est la culpabilité, ce que c'est la colère de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais il faut présenter ces choses dans un cadre où la fin de l'histoire, c'est la croix, avec des larmes, avec de la compassion. Donc, j'aimerais éviter les deux erreurs, si c'est possible, et de revenir toujours à la croix. Si vous vous trouvez dans un endroit où il n'y a qu'une seule erreur, bon, il faut le combattre, mais il ne faut pas le combattre en réagissant comme un pendulum, hein, qui prend l'autre erreur comme la solution. Eh bien, c'est le temps pour une pause.